On va parler avec notre ami Marc Griffin. Salut Marc. Salut Dan. Marc, j'ai trois, quatre sujets que je veux te parler. On va commencer par le premier sujet. On va le vider tout de suite. Je ne sais pas si ça a passé dans le journal de Montréal, mais dans le journal de Québec, on sait que les Capitales n'ont pas connu une super année. Et on sait que Russell Martin va probablement prendre sa retraite. Et on a levé la question et on a posé la question à Patrick Scalabrini, le gérant des Capitales, si Russell Martin pourrait jouer avec les Capitales l'an prochain, pourrait joindre. Puis là, il y a des gens qui disent que ça pourrait être un coup fantastique des Capitales, un coup de marketing. Puis là, on ramenait l'histoire d'Éric Gagné. Moi, je ne crois pas vraiment à ça. C'est pas le même contexte du tout. Éric Gagné voulait se refaire une carrière et un nom. C'est pour ça que les Capitales ont été capables d'aller chercher. Mais est-ce que tu vois Russell Martin avec les Capitales l'année prochaine? Non. Moi, non. Je ne le vois pas avec les Capitales. Tu fais bien de mentionner. En fait, Éric Gagné voulait aussi jouer devant ses enfants. C'était un de ses objectifs à l'époque. Dans le cas de Russell, il vient d'avoir d'ailleurs un tout jeune enfant. Russell, s'il se retire, c'est parce qu'il veut passer à autre chose, pas parce qu'il veut tirer sa carrière. S'il veut tirer sa carrière, c'est sûr qu'une équipe va lui offrir un contrat. Tu comprends? Regarde le travail qu'il fait cette année. Comme auxiliaire, c'est parfait. C'est exactement ce que les Dodgers souhaitaient. Alors, si Russell démontre un intérêt de revenir, convaincu qu'une équipe va le signer, puis tu sais, j'adore les Capitales, je veux dire, Michel Laplante, c'est un grand ami, c'est extraordinaire le produit, puis je souhaiterais qu'un Russell Martin puisse jouer avec, que ce soit les Capitales, les aides, peu importe, mais je ne crois pas que ça pourrait arriver. Écoute, on n'est pas Russell Martin, mais je suis pas mal convaincu que ce serait pas nécessairement sa priorité. Ah non, effectivement, puis moi je n'y ai pas cru non plus, mais ce serait tout un stunt publicitaire pareil, mais écoute... Je pense qu'il va se diriger comme gérant dans le A des Dodgers, parce que c'est un Dodgers, Russell Martin, au départ. Hein? Puis les Dodgers vont peut-être y offrir un poste de gérant dans le A. Je sais pas comment tu vois ça, toi. Mais moi, je pense vraiment que si Russell se retire, il va se retirer une couple d'années. Moi, je pense pas qu'il va revenir, assurément, mais je pense que ça fait quand même plusieurs saisons que le gars vit dans le baseball, puis c'est extraordinaire, fait beaucoup de sous, c'est une très, très belle vie. Mais habituellement, les joueurs vont quand même quitter une année, deux années pour faire d'autres choses, puis après ça, revenir avec plus d'énergie comme gérant. Puis oui, je vois Russell agir comme gérant éventuellement dans le baseball. Je sais pas quel est son intérêt véritable pour ça, mais je serais bien convaincu, moi, qu'il va prendre une pause entre sa retraite de joueur active et évidemment, éventuellement, se retremper dans le baseball. Je le connais pas, Marc, toi, tu le connais, mais l'année passée, il avait dirigé le dernier match des Blue Jays. Oui. C'est pour te dire écoute, c'est un gars que si on lui a donné ça, c'est parce que le gars, ça doit y tenter certainement. Ben, souvent, les receveurs deviennent d'excellents gérants. T'es un joueur de position, mais t'es aussi un gars qui a guidé des lanceurs toute ta carrière. Donc, il n'y a pas une position où tu connais mieux la game que ça. Et je pense que Russell est un excellent étudiant du baseball. C'est un gars qui a appris beaucoup de choses, qui a beaucoup de choses à partager également. Alors, c'est sûr que lui, il y a la graine du gars qui peut devenir un gérant, absolument. OK. Parlons de Tampa Bay. Hier, 5844 spectateurs étaient au match. 6000 avant hier contre les Orioles de Baltimore. On dit Darian, mais je pense que Darian ne passe pas à Tampa Bay finalement. Il n'a pas eu les impacts. Non. Donc, quelque part, c'est ça. C'est vraiment l'assistance. Darian n'a rien à voir là-dedans. Là. Et c'est une carte. Écoute, là, je ne sais pas ce qu'on va faire. Moi, je ne vois pas. Je vois pas durer ça 4 ans encore. Là. On est en pleine course au championnat. 6000 personnes. Non, écoute. C'est ridicule. Les gens font des comparaisons avec les expos de l'époque, mais. Faut faire attention, là. Lorsqu'on compare les expos les dernières années, où le baseball voulait dissoudre l'équipe, où les propriétaires ont complètement laissé tomber, là. C'était le pire des scénarios, là. C'était carrément, on avait vidé l'équipe, là, on est dans une organisation où, on développe, on a une très bonne équipe. On est quoi, 23 matchs au-dessus de 500. On serait des séries si ça commençait aujourd'hui. Et on a juste ce nombre de spectateurs-là. Puis, j'ajouterais aussi qu'il y avait un cri du cœur du propriétaire. Parce que, rappelle-toi, faut s'arranger avec Montréal pour faire une ville-sœur parce que c'est pas viable 81 matchs. Et la réponse, faut être honnête, là, n'est pas là du public, là. Elle n'est pas là du public. Alors, je sais que les codes d'écoute télé sont corrects, ça passe bien. Mais puis parler à des gens de la région de Tampa, il y en a plusieurs qui sont des fans de baseball, mais qui, pour toutes sortes de raisons, ne se déplacent pas à Saint-Pétersbourg, ne se déplacent pas à l'endroit où le stade est situé. Et même si tu avais un nouveau stade, ben écoute, là, on me trouve pas en ce moment. Continue. En fait, regarde le contexte actuel. Tu es en pleine course. Tu es en bonne position de faire les séries, encore une fois cette année. Tu développes, t'es encore parmi les meilleurs réseaux de filiales de tout le baseball, donc tu sais que t'es là pour rester un petit bout de temps là, parmi les bonnes équipes, puis t'es pas capable d'attirer du monde, et j'ajouterais évidemment le cri du cœur du propriétaire. Écoute, je peux pas croire, moi, que le commissaire du baseball majeur va laisser aller comme t'as dit. Alors moi, je sais pas quel est le scénario. Je douterais aussi qu'on va étirer longtemps cette proposition-là de Vilsaer. Moi, j'ai l'impression assez tôt, là, je sais pas si ça va être cet automne ou cet hiver, qu'on va dire, écoute, on a étudié ça, mais ça n'a pas de bon sens. Il y a trop de pas de risques, mais de défis là qui font que ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est un dossier qu'il va falloir qu'il avance bien plus rapidement là, que ce que les gens laissent croire. Parce qu'à Miami, c'est encore pire, Marc. Au niveau de la situation, on n'en parle pas de la situation de Miami, mais l'autre jour... On n'en parle pas parce que on a dépensé 1,3 milliard pour un stade. Ouais. J'exagère à peine, là, c'est que là, on a une infrastructure flambant en œuvre ou presque. Alors là, c'est sûr que tu peux pas dire là, on démêle. Là, le baseball paraîtrait très, très mal. Ouais. Là, ils vont se dire, ben, on va garder au moins une équipe en Floride, puis une belle infrastructure, puis on va essayer d'organiser ça. Puis c'est sûr que dans 10, 12, 15 ans, ben là, on va parler du déménagement possible des Marlins. Ouais. Écoute, moi, j'en reviens pas qu'on a octroyé deux franchises en Floride à l'époque. Encore aujourd'hui, j'en reviens pas. La Floride se vide l'été, c'est beaucoup de gens du Nord qui vont vivre en Floride durant l'hiver. Tu regardes l'économie, c'est le tourisme qu'il y a là-bas. C'était pas idéal, c'est parfait pour les camps d'entraînement. Je pense que c'était unique en son genre pendant 6 semaines, 8 semaines par année. Beaucoup de touristes qui venaient encourager les jeunes joueurs de baseball et les camps d'entraînement et tout ça. Mais pour en faire des villes de baseball, il y avait plusieurs qui doutaient à l'époque. Je pense que Danette qui avait raison. Mais Marc, rappelle-toi lorsque les Rays, parce qu'avec le baseball arrive à Tampa, souvent les Giants de San Francisco ont déjà failli atterrir à Tampa Bay là, avec un offre franchise. Donc c'était pas d'hier là qu'on parlait de Tampa Bay là, bien avant que les Devil Rays arrivent à Tampa là. Ben absolument. Puis, tu sais, je veux dire, tu regardes en termes de marché télévisuel, c'est pas mauvais là, c'est pas les pires, au contraire. Puis non. Pour ça d'ailleurs, ça fonctionne pas si mal en ce moment avec les Rays et les Marlins, mais ça reste que ça prend un minimum. Et là, en ce moment, ben, on joue dans le pire stade du baseball, qui est le pire bail du baseball, qui est dans une situation où, tu sais, si les Rays étaient à 23 matchs sous la barre des 500, on développe pas, on dépense pas, puis là, tu dis, il y a 5000 personnes, ben, c'est bien sûr, tu sais, je veux dire, on fait pas d'efforts, mais ce que les Rays ont fait en termes de baseball est phénoménal. Écoute, on était créatifs au maximum. Puis malgré ça, on n'est pas capable d'attirer des foules plus intéressantes que ça. Il y a un malaise. Je suis convaincu que le commissaire est pas confortable avec la situation. Mais là, est-ce qu'on va finir par forcer la note? Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver éventuellement. Ouais. Les Red Sox de Boston ne seront probablement pas des séries éliminatoires. Tu sais, quand une année commence mal, là, ça a mal commencé dès le départ. Tu sais, Greg Kimbrel était n'était pas là. Il était agent libre, on l'a pas signé. Tu sais, on avait creusé un gros trou. Chris Sale a connu un très mauvais début de saison. Là, maintenant, il lance plus. Ensuite de ça, Mookie Betts a connu un mauvais début de saison également. Il est revenu quand même pas pire, mais c'est pas les mêmes saisons qu'on connaît. Tu sais, quand ça va mal, tout va mal. Hein. Tu t'attends-tu à des gros changements à Boston cette année? Parce que de pas être là-dedans, de pas être plus ou moins dans les séries, c'est très décevant. Là. Le mec qui parlait de Dave Dombrowski, je peux pas croire qu'on va libérer Dave Dombrowski. Là. Non, moi je pense que les Red Sox, c'est effectivement, c'est le premier mois de la saison que tout s'est emmerdé. Parce que dans le baseball d'aujourd'hui, moi je me souviens à l'époque, tu commençais la saison, puis là tu perdais au mois d'avril, puis on disait, pas grave, la saison est longue, puis les bonnes équipes vont finir par... C'est plus vrai aujourd'hui. Parce que t'as pas mal d'équipes qui vont aller chercher entre 95 et 100 victoires. À l'époque, tu voyais beaucoup moins ça. Et là, le danger, c'est qu'on n'a jamais été capable, du côté des Red Sox, de rattraper le temps perdu. Écoute, tu regardes au cours, je sais pas moi, les trois dernières semaines, là, c'est quoi, là, c'est une excellente fiche, là. Les Red Sox jouent au-dessus de 660 là, de baseball. Mais on n'est pas capable de gagner du terrain vis-à-vis des équipes repêchées. Parce que, évidemment, les équipes repêchées, ben, gardent le cap en ce moment, puisqu'ils sont évidemment impliqués dans la course. Alors, c'est dur au baseball, même si on dit, ah, il y a bien des matchs, ils sont juste à 5 matchs, mais il reste encore 30, 40 parties, ils ont le temps. C'est pas aussi, tu sais, juste gagner un match par semaine, c'est bon. Ouais, effectivement. Tiens, ça devient extrêmement difficile, mais moi, je pense que du côté des Red Sox, tu sais, il faut pas paniquer. Regarde, Betts joue encore mieux en deuxième moitié de saison qu'il l'avait toute l'année passée. Fait que oui, il a rattrapé son temps perdu. Il y a des belles nouvelles à Raphaël Devers. Tu sais, il y a plein de belles choses. Alors, moi, je pense qu'il faut juste repartir un peu la machine, puis ça va être correct. Marc, tu sais, on dit tout le temps au mois d'avril, on gagne pas le championnat, mais on peut perdre le championnat. Et c'est là la différence. Oui, à la limite, c'est vrai, parce que c'est difficile de rattraper le temps perdu. Je pense que l'exemple des Red Sox cette année est parfait. Et si tu as un bon début de saison, ça t'assure pas un championnat, mais ça te donne un coussin qui te permet de traverser des périodes difficiles durant l'année. Là. OK. Dis-moi, en terminant, il y a un joueur qui... tu sais, on parle beaucoup de Peter Alonso, on parle beaucoup de Yelich, on parle beaucoup de... Il y a un joueur à Los Angeles, là, qui est le frappeur gaucher, Bellinger, qui va super bien. Mais il y a un gars qui, depuis un mois et demi, Vladimir Guerrero également qui va bien, mais comme recrue, là, mais il y a un gars à Cincinnati qui frappe la balle. C'est incroyable, c'est Henriquez Aquino, le voltigeur. C'est toute une machine, il est vraiment à feu, ce gars-là. Écoute, c'est une machine toute en puissance. C'est incroyable la puissance que ce jeune-là génère à chaque présence au bâton. Tu as l'impression qu'il va frapper une balle, écoute, par-dessus le stade. C'est fou là, de voir ça aller. Et surtout d'avoir une bonne idée de ce qu'il fait. Souvent, les gars de même arrivent, tu sais, ça swing sur n'importe quoi, ça s'élance. Et je trouve que ce gars-là démontre déjà une belle maturité, vraiment très impressionné. Puis là, l'échantillon commence à être important. Là. C'est pas juste là après du match. Là, l'échantillon commence à être large. Ça veut dire que les lanceurs adverses le connaissent. Et malgré tout, le gars continue à produire avec puissance. Alors, les Reds sont en train de se monter un pas pire club au cours des prochaines années. Moi, j'ai hâte de les voir sur une saison complète là avec... l'acquisition d'une coupe de lanceurs aussi, ça peut devenir intéressant à Cincinnati. Ça fait une couple d'années qu'on dit qu'à Cincinnati, il y a des bons jeunes, il y a un bon noyau, puis ainsi de suite. Puis pourtant, ça, le gâteau ne le levait pas, mais là, ça va lever. Marc, un gros merci. On va se voir le 26 au 28, ça va être dans la région pour le Salon du Livre. Oui, avec plaisir. Salut, Marc Griffin, notre collaborateur.